Toyota. Eh, t'as vu ? On a passé plus de 50% du temps de trajet en électrique. Et oui, je sais chérie, tu me l'as répété pendant 50% du temps. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez essayer la Toyota Yaris Hybride pendant les essais extraordinaires et profitez-en à partir de 179€ par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota. Temps de trajet, étude Drive Eco mai 2022. Yaris Hybride dynamique, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 350€, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer. Je m'appelle Madeleine Wallace. On dit pleurer comme une madeleine, hein, c'est ça qu'on dit. Et Wallace, les fontaines Wallace, c'est vous dire si j'étais prédestinée aux larmes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gai. Oui, je ne suis pas saoule. Si je pleure sur toute ma vie passée, ma vie sexuelle passée qui est si courte. Où est cette créature qui pleure? Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes. Dans la pluie. Il y a mille raisons de pleurer et mille façons de pleurer. Lamentation spectaculaire, sanglots réprimés, yeux embués, pleurnicherie ou larmichette. Pourtant, voir quelqu'un s'abandonner, c'est toujours quelque chose. Quelque chose de profond, d'intense, de douloureux semble se jouer sous nos yeux. Mais quoi ? Que disent ces larmes qui nous empêchent de parler? Que font-elles, ces larmes qui nous enlèvent toute force? Sont-elles un appel au secours, une mise en scène ou rien d'autre qu'un mal-être? Le doute est permis. Et si les larmes ne traduisaient pas notre douleur, mais lui donnaient naissance? Et si sans larmes, la douleur n'existait pas? Je pleure dans mon bain quand il est chaud. Je pleure dans le tilleul quand il est bon. Je pleure quand il me fait rire. Je pleure dans les bouchons du matin. Je pleure quand je vois tes notes à l'école. Je pleure quand le programme est terminé. Je pleure quand je lis les pieds nickelés. Je pleure quand je mange un gâteau. Écoutez, je vais vous donner des gouttes. Bonjour Sarah Ray. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire romaine à l'université de Valenciennes, ou vous préférez maîtresse peut-être, maîtresse de conférence? Maîtresse. Maîtresse de conférence en histoire romaine, en tout cas à l'université de Valenciennes. En 2017 est sorti votre livre « Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité » aux excellentes collections Anamosa, qu'on aime beaucoup ici au chemin de la philosophie. J'avais eu la chance de lire ce livre, j'en ai un souvenir vraiment assez, je dirais pas ému non plus, mais disons que le sujet m'avait assez passionnée. Comment vous est venue l'idée de travailler sur les larmes? Parce que c'est une question que je me suis posée quand j'avais lu votre livre. Alors, je vais vous répondre tout simplement. J'avais eu l'idée de lire tout Tacite, donc toute l'œuvre historique de Tacite, les annales, les histoires, de manière continue. Et j'ai remarqué la fréquence des scènes lacrymales. Ouais. Dès le début des annales, on voit une scène tout à fait impressionnante. C'est les sénateurs romains qui se mettent à pleurer tous en chœur devant l'empereur Tibère. Et je trouvais qu'il y avait là un sens social des larmes qui n'avait pas encore été bien étudié par les historiens, du moins du côté romain. Il y avait vraiment une analyse encore à produire. Donc vous vous inscrivez dans un courant, est-ce qu'on pourrait dire l'histoire des sensibilités, comme on l'a vu avec Alain Corbin, Georges Vigarello? Oui, bien sûr, une histoire qui effectivement regarde de ce côté-là, des sensibilités, une histoire du corps, et aussi une anthropologie historique qui peut puiser son inspiration dans des grands modèles comme Marcel Mauss, qui avait par exemple écrit un très court article. Hein. Chez Mauss, c'est souvent court, mais percutant. Hein. Oui. C'est l'expression obligatoire des sentiments. C'est plus court que Tacite et les Annales, c'est ça? C'est plus court, mais à chaque fois, on y trouve vraiment une matière à réflexion infinie. Donc, dans cet article qui a fêté son centenaire, là, c'était un article de 1921, paru dans le journal de psychologie, l'expression obligatoire des sentiments, où Mauss revient sur les pratiques de deuil en Australie, hein, chez quelques tribus et peuples d'Australie. Et Mauss montre très bien que les pleurs, les rites funèbres relèvent de la convention, mais que ceci n'interdit pas une certaine forme de sincérité. Le naturel et la prescription s'allient. Alors l'expression des sentiments, ça veut dire quoi? Est-ce que, parce qu'on est quand même dans une semaine sur la douleur, est-ce que les larmes sont l'expression d'un sentiment particulier qui est notamment la douleur, ou en fait c'est beaucoup plus diversifié que ça en fait dans l'Antiquité? On va dire que dans la majorité des cas, bien sûr, les larmes sont associées à des situations de souffrance, de douleur, en particulier dans le deuil. Dans certains rites aussi religieux à caractère expiatoire, mais les Romains pouvaient aussi pleurer de joie. Et ça, on en a une belle attestation en 2 avant Jésus-Christ, quand l'empereur Auguste apprend qu'on lui décerne le titre de père de la patrie, hein, pater patriae. Là, il n'y tient plus et il pleure de joie. C'est un grand moment de concorde nationale, hein, tous les ordres hein, se réunissent derrière lui, les sénateurs, les chevaliers, le peuple, et finalement ceci vaut bien des larmes de joie. On est dans une opération de communication politique, on dirait aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est insincère, comme vous l'avez dit, c'est ça. Mais après reste la question de la sincérité. Ben ça, c'est une question qu'on va traiter, je pense, tout au long de l'émission, parce que comme vous avez travaillé sur l'usage des larmes dans l'Antiquité et que l'usage relevait d'un usage plutôt social qu'uniquement privé, de fait, la question se pose de la sincérité. Oui. Et dernièrement, je me suis intéressée à ce terme de sinceritas, hein, qui existe en latin, pour voir finalement d'où nous venait notre sincérité. Ça veut dire quoi, sinceritas? C'est sinceritas, c'est non, avec... En un mot, c'est à donner sincérité en français. Tout simplement, ça existait tel quel. Bien sûr. Mais au fond, c'est une valeur que les Romains n'ont jamais véritablement exaltée. Contrairement à la fidesse, par exemple, la bonne foi, qui pourrait s'en rapprocher hein, par certains côtés. Non, au départ, la sincérité romaine, c'est quelque chose d'assez matériel qui va qualifier la pureté d'un liquide, la pureté du vin, la pureté du miel, ou bien la pureté d'une peau, d'un pelage d'animal. Il faut des cochons sincères, sachez-le, si vous voulez réussir votre sacrifice et qu'il plaise aux dieux, il faut un cochon qui n'ait pas de défaut. Et donc, on dit dans ce cas-là un cochon sincère. Donc là, c'est l'idée de pureté. Oui, mais vous voyez, d'un point de vue extérieur, vraiment. Et puis, peu à peu, cette sinceritas, cette sincérité latine, s'est dématérialisée, en quelque sorte, spiritualisée, pour devenir notre sincérité, en quelque sorte. Hein, vous voyez, quelque chose qui exprime la... l'accord entre ce que l'on pense et ce qu'on exprime. Et donc, à cet égard, toute la question va être de savoir si les larmes, et en particulier dans le cas en fait de l'expression d'un sentiment comme la douleur, sont véritablement l'expression de la douleur sincère, ou si au contraire, en fait, ces larmes sont juste une sorte d'artifice. Alors, dans l'Antiquité, on rencontre toutes sortes de jugements sur les larmes. Et par exemple, chez Tite-Live, hein, chez un historien de l'époque d'Auguste, on va trouver la formule de larmes simulées, hein, lacrimae simulatae, pour qualifier les sanglots jugés fourbes d'un tyran grec du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc déjà, les anciens s'interrogeaient sur la vérité des sanglots et les physiognomonistes aussi, hein, certains donc spécialistes des expressions du visage en particulier et du corps pouvaient se dire que parfois telle ou telle larme était contrefaite. Qui fera l'histoire des larmes ? Dans quelle société, dans quel temps a-t-on pleuré ? Depuis quand les hommes, et non les femmes, ne pleurent-ils plus ? Pourquoi la sensibilité est-elle à un certain moment retournée en sensiblerie ? Les images de la virilité sont mouvantes. Les Grecs, les gens du XVIIe siècle, pleuraient beaucoup au théâtre. Peut-être pleurer est-il trop gros ? Peut-être ne faut-il pas renvoyer tous les pleurs à une même signification ? Peut-être y a-t-il dans le même amoureux plusieurs sujets qui s'engagent dans des modes voisins mais différents de pleurer. Quel est ce moi qui a les larmes aux yeux? Quel est cet autre qui, telle journée, fut au bord des larmes? Qui suis-je, moi qui pleure toutes les larmes de mon corps, ou verse à mon réveil un torrent de larmes? Si j'ai tant de manières de pleurer, c'est peut-être que lorsque je pleure, je m'adresse toujours à quelqu'un, et que le destinataire de mes larmes n'est pas toujours le même. J'adapte mes modes de pleurer au type de chantage que par mes larmes j'entends exercer autour de moi. En pleurant, je veux impressionner quelqu'un, faire pression sur lui. Ce peut être, et c'est communément l'autre, que l'on contraint ainsi à assumer ouvertement sa commisération ou son insensibilité. Mais ce peut être aussi moi-même. Je me fais pleurer pour me prouver que ma douleur n'est pas une illusion. Les larmes sont des signes, non des expressions. Par mes larmes, je raconte une histoire. Je produis un mythe de la douleur. Et dès lors, je m'en accommode. Je puis vivre avec elle parce qu'en pleurant, je me donne un interlocuteur emphatique qui recueille le plus vrai des messages. Celui de mon corps, non celui de ma langue. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Qui fera l'histoire des larmes ? Demande Roland Barthes dans ses fragments d'un discours amoureux. C'est dans la partie éloge des larmes, on l'a entendu interprété par Hélène Losseur. Eh bien, qui fera l'histoire des larmes ? Apparemment vous, Sarah Ray, puisque vous avez écrit ce livre, Les larmes de Rome. Qu'est-ce que ça veut dire de faire l'histoire des larmes ? Est-ce que vous avez pu constater, Sarah Ray, comme le dit Roland Barthes, qu'on ne pleure plus ou qu'on pleure moins ? Oui, même si c'est en train de revenir, mais c'est institué, semble-t-il, une certaine contention des larmes publiques masculines à partir du XIXe siècle. Un souverain comme Louis XVI pleurait encore en public, et puis là, quelque chose au XIXe s'atténue. Mais pour savoir qui fait l'histoire des larmes, je dois tout de suite dire par honnêteté que je ne suis pas la première. L'appel formulé par Roland Barthes dans ses fragments d'un discours amoureux, ça date de 1977. Et dès les années 1980, Hélène Monsacré a étudié les larmes des héros homériques. Oui, il y a les larmes d'Achille, notamment. Voilà, les larmes d'Achille. C'était une thèse dirigée par Pierre Vidal-Naquet. Et ensuite, du côté médiéval, je dois citer le travail remarquable de Piroshka Nagy, qui s'est, elle, intéressée en particulier au don des larmes, qui est une faculté chrétienne recherchée, hein, de pouvoir comme ça s'effondrer en pleurs, avec un souci de pénitence, hein, bien sûr. Et Saint Louis cherchait à avoir ce don des larmes. Mais alors, ce que vous dites, Sarah Ray, c'est que entre ces différentes approches des larmes dans l'histoire qui vous précèdent, il y a aussi une diversité de larmes. C'est-à-dire qu'on ne pleure pas de la même manière dans la Grèce antique que dans la Rome antique que vous avez étudiée, ni encore qu'à l'époque de Barthes en 1977. Entre-temps, il y a une infinité de périodes. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de périodes que de larmes ? Oui, bien sûr, on peut historiciser les larmes. Hélène Monsacré a très bien montré que dans l'épopée, les grands héros comme Achille peuvent perdre toute contenance et pleurer. Et ça prend des formes vraiment paroxystiques. Hein. Ils se roulent par terre. Comme des enfants en crise presque. Oui, on jugerait ça aujourd'hui dégradant, ridicule pour un grand homme comme un grand héros comme Achille. Et ça ne l'était pas du tout. Hein. Ça ne diminuait pas cette identité héroïque d'Achille. Mais dès l'époque classique, Platon va revenir sur ses manières exubérantes de pleurer et va même proposer que les textes d'Homère soient expurgés, qu'on coupe les passages les plus, justement, sujets à caution d'après lui, enfin, mettant en scène des héros qui perdent de leur maintien viril. Parce que ça constituerait des mauvais exemples pour la jeunesse grecque qui se forme à la lecture de ces textes homériques. C'est ce qu'on trouve effectivement dans la République de Platon, notamment sur le rôle très ambigu et le rôle de la censure dans la République. Ce qui veut dire que tout est de la faute de la philosophie dans cette répression de la douleur et de cette manifestation. Eh bien, c'est bien possible. Et ce serait peut-être ce matin le moment de faire le procès des philosophes. Par rapport à la douleur, en tout cas. En tout cas... Non, je crois que beaucoup de philosophes n'étaient pas mal intentionnés, mais ils ont certainement contribué à la répression des larmes dans l'idée que l'homme atteigne, l'homme éduqué atteigne une forme d'impassibilité, de tranquillité d'âme. De maîtrise de soi. Oui, oui, d'apatheia, comme on dit en grec, d'absence d'affect dégradant. Ou d'absence, on pourrait dire, de signes d'affect. Est-ce que vous faites bien la distinction dans votre travail entre ce qui relève de l'affect, ça peut être la douleur, effectivement, on en parle cette semaine, mais aussi de ce signe de l'affect qu'est que bien sont sûr. Les larmes. Le philosophe antique, alors si je peux me permettre cette généralité, du moins donc, beaucoup de philosophes ont l'air de s'adresser à des hommes qui ont pour préoccupation de faire bonne figure en société. Donc il y a quelque chose qui relève effectivement de l'affichage social, voire même de la mise en scène de soi. Il y a toujours une relation dans la pensée philosophique antique à l'extérieur, aux postures qu'on doit adopter au vu de tous. Et ça, on le retrouve aussi, par exemple, dans l'examen de conscience à la stoïcienne chez Sénèque. Sénèque dit qu'il aime, en fin de journée, passer en revue tout ce qu'il a fait dans la journée pour jeter un regard moral sur, dit-il, ses facta, les faits, les actions, c'était même peut-être acta, et les dictats aussi, les paroles proférées. Donc, vous voyez, le philosophe se juge à ce qu'il a mis en scène, à ce qui est sorti de soi. On ne se reproche pas une mauvaise pensée tant que ça n'est pas suivi des faits. Ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce texte de Barthes qui est vraiment, il faut quand même le dire, ce texte, il est quand même assez dingue. Il est d'une richesse incroyable. C'est-à-dire l'idée quand même de la sensibilité qui s'est retournée en sensiblerie, de cette idée aussi que, alors, effectivement, il faut quand même le préciser, c'est dans Fragment d'un discours amoureux. Donc là, il parle quand même des larmes dans le couple. Mais quand il dit, en fait, qu'il y a une diversité de modes de pleurer, il dit quand même que cette diversité s'unifie, en fait, dans le fait de vouloir faire pression sur l'autre et de faire pression sur l'autre, non pas n'importe comment, mais en fait, en donnant naissance au mythe de la douleur. Donc ça veut vraiment dire que l'usage qu'on a des larmes par rapport aux autres, effectivement, on ne revoit pas tant à une régulation des passions intérieures, mais vraiment à qu'est-ce que cette affect, cette expression d'affect va provoquer chez l'autre et comment je peux le réguler pour obtenir quelque chose. Bien sûr, il y a une part de chantage affectif dans beaucoup de larmes. Alors il se trouve que dans ce court livre sur les larmes, j'ai peu étudié les sanglots amoureux parce que j'ai trouvé que c'est ce qui nous dépaysait le moins. On a beaucoup de poètes, les élégiaques hein, notamment du côté latin, qui pleurent parce que leur maîtresse les a abandonnés ou parce que leurs maîtresses sont inconstantes. Bon, et ce type de larmes sentimentales m'intéressait moins que d'autres larmes avec une portée sociale peut-être plus vaste. Et aussi se différenciant des nôtres. Hein, on ne pleure plus tellement devant un homme politique si on est amené à le croiser pour supplier tel ou tel accommodement. Il n'y a plus de supplications. Voilà, non, les supplications. Alors, il y a des rencontres, on a l'impression quand les présidents de la République ou les élus vont à la rencontre de leurs administrés. Il y a parfois des rencontres un peu comme ça, pathétiques, d'émotions. Mais on est dans quelque chose de moins spectaculaire que ce qui se produisait dans l'Antiquité, où on pouvait vraiment se jeter aux pieds de la personne qu'on voulait supplier, tout en pleurant et tout en exprimant du coup la douleur qui nous touchait. On peut écrire une histoire de la douleur. Et un médecin aujourd'hui peut rencontrer un homme de 60 ans qui n'ait jamais souffert. Alors que, entouré des plus grands médecins de son royaume, Louis XIV a hurlé de douleur tous les jours. Il avait une fistule anale inguérissable, vous voyez. Donc, il y a une sorte de chute brutale de l'importance de la douleur. Et on peut analyser les morales de l'Antiquité, les morales même orientales, les morales judéo-chrétiennes, comme on dit, comme des exercices pour affronter une douleur inévitable et quotidienne. Nos ancêtres ont vécu cette douleur inévitable et quotidienne. Et beaucoup de morales étaient construites comme des exercices pour supporter cette douleur. Et des douleurs à la fois, si vous voulez, physiques et morales, etc. Et aujourd'hui, s'il y a une histoire de la douleur avec une sorte de descente ou de décroissance de cette douleur, quoi au sujet d'une morale dans un monde où la douleur n'aura pas disparu, bien sûr, parce que nous souffrons toujours, mais où elle aura beaucoup décru. On a entendu la voix de Michel Serre dans une archive du 22 mai 2013. C'était le grand entretien sur France Inter. Ce qu'il y dit, Sarah Rey, est frappant parce qu'il parle de la douleur comme créatrice de morale. Sans douleur, nous n'aurions pas développé des morales, des pratiques pour réguler cette douleur. Et en même temps, on entend bien aussi avec cet extrait d'un documentaire de Cecilia Mangini de 1960, avec le cas des pleureuses, en fait, tradition qu'on a gardée en Italie, notamment dans la région des Pouilles, qu'il y a véritablement une mise en scène, quelque chose de spectaculaire dans la mise en scène de la douleur par les larmes. Donc il y a quand même ce paradoxe entre morales qui vont venir réguler ces larmes et cette douleur, et d'un autre côté, le spectacle de ces larmes et de cette douleur, Sarah Rey. Oui, alors je suis très contente que vous ayez sélectionné cet extrait du documentaire de Cecilia Mangini, parce que c'est un... Ça s'appelle Stendhali, je l'ai pas dit. Oui, et qu'on peut trouver très facilement en ligne. C'est un documentaire, en fait c'est un film qui reconstitue une pratique des Pouilles, et même de l'extrême sud des Pouilles, hein, du Salento, et qui s'inscrit dans la veine d'Ernesto de Martino, hein, donc dans un souci ethnographique. On voit donc ces pleureuses entonner des chants funèbres de manière donc très codifiée. Elle remue des mouchoirs, elles font mine de s'arracher les cheveux. Et tout ça nous révèle l'importance de la norme dans la déploration des défunts. Alors on a peut-être quelque chose qui ressemble à ce qui existait dans l'Antiquité. Donc oui, il y a de la convention dans la douleur, et vous me dites quelque chose d'où naîtrait la morale. Mais il y a ce paradoxe en tout cas qui est que la morale selon Michel Serres va naître de cette régulation en fait de la douleur, ce qu'ont d'ailleurs développé les philosophes comme vous l'avez dit auparavant. Oui. Je dirais que pour la majorité des Romains qui ne lisent pas les oui. philosophes, oui. La vraie morale, c'est la piétasse, c'est la piété à l'égard de ses proches, et notamment dans le deuil. C'est peut-être une morale minimale, mais dans ce cas-là, oui, on va dire que la morale la plus partagée part de la douleur, et d'une douleur qu'il faut vivre en groupe, à laquelle donc il faut trouver des réponses collectives, de manière à la réguler, cette douleur. C'est ça qui est frappant, c'est que la douleur n'est pas du tout le sentiment intime qu'on en fait aujourd'hui. C'est véritablement un sentiment collectif. Oui, et je crois aussi qu'on s'illusionne peut-être un peu aussi sur notre intimité. Dans toute souffrance, il y a une part de social. Il est vrai qu'avec peut-être le processus de subjectivité, on finit par croire que on est vraiment soi, que tous les sentiments qui nous traversent sont vraiment sincères, qu'il y a quelque chose de singulier et qui est coupé de la société. Mais encore aujourd'hui, bon, on a tous vécu des enterrements, on sait très bien qu'on s'observe les uns les autres pour voir qui est le plus attristé, qui au contraire garde l'œil sec. Donc je ne suis pas certaine que aujourd'hui on soit mieux mis en contact avec la douleur qu'autrefois. On n'était pas, les larmes n'étaient pas mieux avant en fait. Alors je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire. Les larmes n'étaient Disons que là, on a l'impression qu'on se cache de pleurer, qu'il y a une perte en fait des larmes et de l'expression de la douleur dans l'espace vous trouvez public, qu'on se cache, oui. alors que là, il y a vraiment les funérailles sont véritablement des théâtres de manifestations lacrymales. Oui. Vous parliez quand même de ces supplications auprès des hommes politiques avec beaucoup de larmes. Oui. Je pense qu'on n'a pas le même usage des larmes. Même Barthes, quand il parle du couple, qui est quand même dans une scène privée. Oui, l'exubérance des larmes, en effet, c'est un peu perdu. Mais je me demande si elle n'est pas en train de revenir en partie dans certains discours politiques. Il suffit de regarder Barack Obama du temps où il était président, qui n'a pas hésité à pleurer plusieurs fois. Justin Trudeau est un grand spécialiste des larmes et ça contamine un peu toute la sphère publique. Alors justement, je vous propose d'écouter tout de suite un homme politique français qui pleure, c'est Nicolas Hulot. Je veux parler à tous les agents, à la Défense, ici à Saint-Germain, là-bas dans les territoires et les régions. Je m'éloigne, mais je ne vous abandonne pas. Mon geste est fait pour vous servir, il est fait aussi pour servir mon successeur. Beaucoup de larmes sont tombées depuis... Mais à celles et ceux qui m'ont écrit, qui chaque jour me tendent la main, me disent merci, me disent ne lâchez rien, eh bien on ne lâchera rien. je peux vous le dire. Mais vous ne saurez jamais combien vos témoignages au quotidien m'ont permis de tenir. C'était donc Nicolas Hulot lors de la passation de pouvoir avec François de Rugy le 4 septembre 2018. Ça paraît l'antiquité, ce départ de Nicolas Hulot et la passation avec François de Rugy. Ces larmes, Sarah Arré, c'est véritablement les larmes telles qu'on les avait d'hommes politiques dans l'espace public romain ? Ça pourrait y ressembler. La démonstration comme ça, publique de son désarroi, de sa détresse, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans les textes anciens. Alors, pas tellement dans le contexte d'un adieu à telle ou telle fonction publique, mais plutôt à l'intérieur de discours pathétiques. Et on a un très bel exemple avec Jules César, qui, une fois qu'il a fait traverser à ses légions le Rubicon, va produire devant ses soldats un discours agrémenté de larmes, et ça va même aller plus loin, puisqu'il va déchirer ses vêtements pour faire comprendre donc à ses hommes qu'il faut aller jusqu'au bout de l'entreprise programmée par César, à savoir donc descendre aller sur Rome. Donc cette manière de produire un discours pathétique relève d'un apprentissage. C'est la rhétorique venue de Grèce qui apprend aux Romains l'art de l'éloquence et l'art de pleurer au bon moment. Donc on a des discours qui, en particulier dans les tribunaux, sont assez larmoyants, mais pas du début à la fin du discours, plutôt à la conclusion du discours, dans cette partie oratoire qu'on appelle la péroraison, qui doit servir un peu de synthèse du discours. Et finalement, c'est ce qui doit emporter la conviction des juges. Et face à une assemblée ou face à des soldats, il vaut mieux aussi pleurer à la toute fin pour finalement monter en intensité et faire comprendre que l'heure est grave. Après, vous avez noté que dans le discours de Nicolas Hulot, il y a même une annonce des larmes. Il dit « beaucoup de larmes ont accompagné mon départ ». Donc il y a vraiment quelque chose qui relève, je trouve, de du texte appris par cœur et joué. Ah, mais vous êtes dur, c'est-à-dire que vous n'y croyez pas du tout, parce que le fait de prononcer le mot « larmes » ou de se dire « ne flanche pas » peut provoquer les larmes en nous. Il y a quand même une forme de spontanéité dans ce moment. On pourrait presque dire que c'est un instant de vérité, comme on aime à le dire. Peut-être, mais on a l'impression qu'il pleure à l'évocation de ses collaborateurs qui eux-mêmes pleurent. Donc c'est une manière de pleurer sur soi, de pleurer sur le vide qu'on va créer. Donc c'est une mauvaise manière finalement. En fait, c'est à la fois une bonne manière sociale d'utiliser les larmes, oui. C'est-à-dire que ça tombe au bon moment, et en même temps, on pourrait dire que c'est des larmes, de mauvaises larmes, parce que finalement, elles sont presque artificielles. Voilà, bon, je ne sais pas exactement ce que Nicolas Hulot avait au fond. Le cas de Nicolas Hulot, mais posons cette question-là, de jusqu'où les larmes relèvent-elles de l'artificiel ou au contraire de la sincérité ? Après, on revient à ce que disait Mauss sur l'intrication du naturel et de la convention. On a maintenant tellement de discours publics qui se permettent de faire couler les larmes de l'orateur lui-même, que peut-être que dans ce cas, comme dans d'autres, celui qui pleurait était vraiment en accord avec ce qu'il ressentait. Ensuite, quand on écoute l'archive sonore, ça passe beaucoup moins bien que quand on voyait les images à l'époque. On peut être effectivement pris aussi, de saisi par l'émotion. Oui, mais je trouve que ces scènes de larmes d'hommes publics sont vraiment faites pour être filmées. Et même ces presque parfaitement taillé pour les chaînes d'infos en continu. Avec justement des extraits comme voilà, ça, parfaitement calibrés d'une minute. Oui, qui vont c'est être une petite scène marquante qui va pouvoir passer en boucle. Tandis que quand on n'a que la version sonore, bon, on comprend à peu près ce qui se passe, mais c'est moins percutant. Et le pire étant les photos tirer de ces scènes de pleurs d'hommes politiques contemporains. Si vous voulez rire, vous regardez toutes les photos prises par, prises au moment où Barack Obama, par exemple, pleurait, bah, on a l'impression qu'il grimace, hein, souvent. C'est vrai que en écoutant cet extrait, le spectacle des larmes et donc parfois même de la douleur suscite deux réactions très opposées, à savoir soit véritablement en fait là, on est saisi d'émotion, on est frappé, on reste un petit peu bouche bée, ou alors on rit, pas forcément uniquement de gêne, mais aussi on trouve ça ridicule. Oui. Et ce basculement de l'un à l'autre affect était déjà remarqué par les spécialistes de l'art oratoire antique, chez Cicéron ou chez Quintilien. Il y a toute une réflexion sur le bon dosage d'affect et de larmes, au risque parfois justement de provoquer l'hilarité des adultes au mauvais moment. Oui. Les larmes à contretemps peuvent provoquer l'hilarité. Et c'est Quintilien qui évoque, par exemple, dans certains procès antiques, la mobilisation de tableaux, hein, de portraits des victimes. Des victimes qui ne peuvent pas se présenter au procès. Et peut-être par... un défaut des peintres qui ont produit ces portraits, le public est amené à rire là où il aurait dû plutôt exprimer de la pitié à l'égard des victimes. Donc ce basculement du rire aux larmes, et de même, on a des textes de physiognomonistes comme Polémon de la Odyssée qui disent que on reconnaît parfois des fausses larmes au fait que ça ressemble beaucoup à des rires. Hein, finalement, la contraction du visage, parfois, peut s'apparenter soit à une crise de sanglots, soit à une crise de rire. On va écouter un autre homme politique pleurer, mais cette fois-ci, ça n'est pas une archive, c'est un extrait de film. C'est un extrait du film Covadis, film de Mervyn Leroy de 1951, où on entend le tyran Néron pleurer. Pétrone s'est tué ? Quoi ? Pétrone s'est suicidé ? Je n'en crois pas un mot. Je l'ai vu s'éteindre, divinité. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Jamais. Se tuer sans ma permission, c'est de la rébellion. C'est un blasphème. Il t'a laissé un message d'adieu. Ainsi, il a pensé à moi. Aux derniers instants, il a pensé à moi. Comme je t'aimais, Pétrone. Tu étais l'ami le plus fidèle. Toi seul savais lire dans mon âme. Le lacrymatoire. Qui va écouter mes chants désormais? Qui va apprécier la vraie valeur de mes vers? Je verse des larmes sur toi, Pétrone. Une larme pour toi, une pour moi. Scelle-moi ces fruits de ma douleur, de sorte que la postérité apprenne comment Néron pleura le meilleur de ses amis et son plus sincère critique. Voici donc les larmes de Néron, interprétées par Peter Ustinov, qui pleure Pétrone, qui s'est suicidé sans lui demander. Et Néron, qui est quand même un tyran, qui ne devrait pas justement pleurer, ici s'épanche. Alors, encore une fois, cette question, Sarah Ray, est-ce que finalement ces larmes-là sont une manière d'humaniser le tyran, c'est-à-dire finalement ce tyran, cette figure qui est insensible, à l'inverse des démocraties ou des républiques où il y a un partage des passions collectives, ou est-ce que justement on est là pour montrer que Néron est tellement tyrannique que même les larmes ne sont qu'une astuce pour lui? Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le péplum Quo Vadis de Mervyn Leroy est inspiré d'un roman assez pompier du 19e siècle, de Shinkevich, qui veut retenir de Néron l'image d'un persécuteur des chrétiens et d'un tyran. Mais aujourd'hui, les historiens sont largement revenus sur cette image de Néron qui a été un empereur qui a plutôt été assez populaire. Donc, ces larmes-là qu'on entend dans cet extrait, très bien joué par Peter Ustinov, sont des larmes hypocrite. En tout cas, mise en scène comme telle, parce que le suicide de Pétrone est en fait un suicide dont Néron était parfaitement pas prévenu, mais il s'y attendait puisque dans le roman Pétrone est acculé et sait qu'il va être condamné, donc il anticipe en fait sa condamnation à mort. Alors cet extrait, oui, est censé montrer plus largement que les tyrans sont de grands insensibles. Et ça, c'est un motif qu'on retrouve dans l'Antiquité, plusieurs fois, de tyrans qui n'interrompent pas leur banquet à l'annonce de la mort d'un de leurs proches, par exemple. Et puis, cet extrait est aussi intéressant pour la mention des fameux lacrymatoires, hein, ces petites fioles qui sont assez difficiles à interpréter d'un point de vue archéologique. En fait, c'est une dénomination, hein, c'est ce terme de lacrymatoire qui a longtemps couru depuis la fin du Moyen-Âge et puis le début de l'époque moderne avec les antiquaires, hein, ceux qui sont intéressés les premiers à l'Antiquité, qui ont pensé que les Romains pleuraient dans des petites fioles en verre ou en terre cuite pour les offrir ensuite à leurs défunts. Mais aujourd'hui, on considère que ces fioles étaient plutôt destinées à conserver des parfums. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question sur le tyran insensible ? Oui, donc oui, bah, vous avez répondu tout de suite, puisque ces larmes vous semblent parfaitement hypocrites, ce qui veut dire qu'à l'inverse, les larmes, et d'ailleurs on l'a vu, enfin on en avait parlé aussi avec cette idée quand même de démonstration, hein, peu importe qu'elles soient sincères ou pas, il y a aussi, en fait, les larmes sont une arme, en fait, pour l'homme politique. Véritablement, c'est pas seulement un effet rhétorique, c'est pas seulement Achille qui pleure et qui est héroïsé avec ses larmes qui le rendent noble ou passionné, mais c'est véritablement que l'homme parfait se doit aussi de pleurer. Ce qui, là, pour le coup, est véritablement un choc pour nous, puisque les hommes ne pleurent plus, comme le dit Barthes. Oui, de pleurer, mais de savoir bien pleurer. De ne pas perdre toute contenance dans, justement, des lamentations démesurées. Et là, on a des nuances lacrymales qui nous échappent aujourd'hui complètement. Par exemple, expliquez-nous quelles nuances il y a dans les différents plans. Par exemple, Sénèque, dans une lettre à Lucilius, dit que il a perdu tel ami et que il l'a pleuré, mais sans exagération. Et alors là, on a deux verbes différents en latin. Il dit que il faut pleurer ses amis décédés, donc lacrimandum est, non pleurandum. Il faut verser quelques larmes, mais ne pas perdre la mesure. Si on était un peu littéral, même en français, pour forcer le paradoxe, on dirait qu'il faut pleurer sans pleurer. Oui, pleurer discrètement, pleurer juste ce qu'il faut, pleurer sans grimacer, sans se ridiculiser. Et quand vous parlez de pouvoir des larmes, est-ce qu'il est là ? Est-ce que c'est le pouvoir des larmes qui est incontrôlable, qui nous submerge, ou au contraire, c'est le fait de pouvoir maîtriser ce flot lacrymal ? Alors, dans le sous-titre du livre, Le pouvoir des larmes, je sous-entendais que dans l'Antiquité romaine, en passant en revue plusieurs catégories de textes, on a l'impression que ce sont les hommes puissants qui se réservent les sanglots à longue portée. Ça, c'est fou pour nous que la puissance soit associée au flot. Oui, même si ce sont des larmes parfaitement calculées, parfaitement dosées, qui surviennent vraiment à des moments politiquement importants. Oui, il y a quelque chose qui s'est perdu certainement depuis l'Antiquité. Parce que même quand Nicolas Hulot pleure, on n'y voit pas une forme de puissance. On y voit plutôt un dépouillement, c'est-à-dire vraiment, on a l'impression que, comme le dit très bien d'ailleurs Barthes dans le texte qu'on a entendu au départ, les mots ne suffisent plus, ça n'est pas un message de la langue, c'est un message du corps. Il y a presque Nicolas Hulot qui s'offre dans un moment de une mise à nu, finalement, où il se dépouille de son autorité, où il devrait se contrôler, ne pas pleurer, où il y a aussi un dépouillement dans le discours, puisque les mots, il n'y en a plus. Et puis, il y a une sorte de rétablissement d'un contact physique. C'est-à-dire qu'il y a sa femme qui s'approche pour lui caresser le dos. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de non pas de, la, de l'affirmation de puissance, mais au contraire de l'affirmation de faiblesse qui, paradoxalement aussi, le rend puissant. C'est-à-dire, j'accepte ma vulnérabilité et je vous l'offre. Oui, mais cet affichage de faiblesse momentanée et de vulnérabilité vraiment ponctuelle, c'est déjà un mécanisme qui s'observe dans l'Antiquité. C'est-à-dire que, du point de vue romain, il y a quand même soit un culte du chef, un culte de l'empereur, et voir ces hommes puissants se dégrader, s'humilier, le temps vraiment d'un discours, hein, ça peut inciter l'auditoire, le public, à venir en aide, à comprendre la gravité de la situation, et appeler justement un retour à la normale et un retour à la puissance de l'homme qui s'est dégradé ponctuellement. Après, peut-être que dans ces discours maintenant contemporains, il faudrait mesurer la part de l'effet chrétien finalement, hein, de cette pénitence publique qui, pendant des siècles, a été mise en scène du côté chrétien. On rend un meilleur service au genre humain en riant de lui qu'en geignant sur son sort. Car dans un cas, on lui laisse un espoir, tandis que dans l'autre, on se lamente sottement en lui ôtant toute perspective d'amendement. De même, à regarder les choses dans leur ensemble, le rire témoigne d'une plus grande force d'âme que les larmes, puisqu'on n'est affecté dans ce cas que d'une émotion très légère, en estimant que dans toute cette parade, il n'y a rien d'important, rien de sérieux, rien même de misérable. Mieux vaut toutefois prendre acte avec calme des mœurs communes et des vices des hommes, sans tomber ni dans le rire, ni dans les larmes. En effet, si l'on se prépare à être éternellement malheureux en étant tourmenté par les malheurs d'autrui, on prend en revanche un plaisir indigne d'un homme en s'en réjouissant. C'est faire preuve d'une compassion bien inutile que de pleurer et de feindre d'être accablé parce que quelqu'un a perdu son fils. De même, quand il s'agit de ses propres malheurs, laissons à la douleur l'espace que lui donne la nature, non celui que lui donne l'habitude. La plupart des hommes, en effet, se mettent à pleurer pour être vus, et sèchent leurs larmes dès que personne n'est là pour les observer, estimant sans doute qu'il est honteux de ne pas pleurer quand tout le monde le fait. Le mal qui nous pousse à tout faire dépendre de l'opinion d'autrui est si profondément enraciné en nous que nous en venons à simuler même la douleur, sentiment le plus sincère qui soit au monde. Vous avez parlé du moment chrétien des larmes, Sarah Ray. Alors, on a entendu d'abord un extrait de Sénèque, donc là, pas du tout un moment chrétien, un extrait de La tranquillité de l'âme, interprété par notre comédienne Hélène Losser, qui, en bon stoïcien, Sénèque prône la modération et même voit dans les larmes une simulation de la douleur. On voit bien d'ailleurs que c'est intéressant parce que les stoïciens ont cette manière à la fois de vouloir modérer les passions, mais aussi de les sacraliser. C'est-à-dire que venir pleurer, ce n'est pas venir exprimer sa douleur, mais au contraire, presque la pervertir. Mmh. Et puis, on est en train d'écouter là l'œuvre très connue donc, de Pergolèse, Stabat Mater Dolorosa, qui est un petit peu l'œuvre canonique de la douleur, donc de la douleur de la Vierge qui voit son fils crucifié Jésus. Donc, on voit bien là deux manières, deux rapports à la douleur et aux larmes, une manière de se purifier par les larmes dans le moment chrétien, puis cette manière de vouloir rejeter les larmes comme une perversion de la douleur. Perversion, en tout cas d'un point de vue collectif. J'ai l'impression que Sénèque reproche une certaine, accuse une certaine hypocrisie des émotions collectives. Avec voilà ce caractère spectaculaire où chacun observe chacun. Avec les chrétiens, la signification des larmes évolue. on se met à pleurer beaucoup pour expier ses péchés, en réfléchir donc à toutes les fautes qu'on a commises. Et les chrétiens mettent en scène, eux aussi, à leur tour, leurs sanglots. Alors, plutôt au départ dans l'intimité de leur chambre ou de leur cellule, mais aussi ça pourra survenir à des échelles plus collectives. Hein. On a des sermons qui appellent l'assemblée des chrétiens à pleurer, et on peut imaginer des groupes de chrétiens pleurant ensemble. Mais il y a une forme, un rejet des larmes dans l'espace public actuellement, alors peut-être qu'il revient, hein, comme vous le disiez, Sarah Ray, mais qui est en fait derrière ce mot, ce terme de modération, c'est-à-dire qu'on n'a pas gardé non plus ce rapport uniquement judéo-chrétien aux larmes ou à la douleur, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le repentir, donc ce rejet parfois des larmes ressemble plutôt aussi à du sexisme ou du snobisme, c'est-à-dire surtout ne pas se montrer, surtout ne pas être faible. Oui, ce qui existait déjà dans l'Antiquité, hein, l'accusation portée sur les femmes qu'on imaginait enclines à une plus forte émotivité, ça revient souvent dans les textes. Hein, l'accusation donc de pleurer à la manière d'une femme, hein, mulier briter, c'est très mauvais pour un homme romain de se voir accusé d'avoir pleuré à la manière d'une femme. Merci beaucoup, Sarah Ray. Donc, de vous, on peut lire Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité. C'est paru aux éditions Anamosa. Merci beaucoup d'être venu donc parler de la douleur sous l'envers des larmes. Je vous conseille la lecture de ce livre. You were my sun, you were my earth, you didn't know all the ways I loved you, no, so you took a chance, made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down, no, you don't have to say what you did. Don't it make you sad about it? Told me you loved me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. When you call me on the phone, girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. The bridges go burn. Now it's your turn to cry. Said. It wasn't like you only talked to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. Vous écoutez France Culture, on va pleurer d'arrêter cette musique, cette chanson en plein milieu, c'était Justin Timberlake, Cry Me a River. Il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment la philosophie peut-elle être pratique ? On reproche très souvent à la philosophie, en mélangeant d'ailleurs divers termes, de ne pas être concrète, de ne pas servir à notre vie immédiate, de planer, d'être au-dessus de nos besoins les plus concrets et vitaux. Ou bien encore, on dit qu'elle n'est pas utile, qu'elle ne sert à rien. Vladimir Jankélévitch s'était édifié contre cette prétention de critiquer la philosophie qui ne servirait à rien. Elle sert, disait-il, aux besoins les plus profonds de l'être humain. Il faut juste élargir justement notre notion du besoin. Et puis, on a un troisième terme qui arrive, c'est on reproche à la philosophie de ne pas être pratique, on dit aussi pragmatique. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? C'est une notion très différente de l'utile ou du besoin ou du concret. Le pratique, c'est en effet ce qui concerne notre action. La praxis, en grec, c'est l'action humaine, non pas la production d'un objet qu'on appelle poiesis, création qui a donné poésie, mais l'action, ce par quoi les humains sont la source d'un changement dans le monde, même s'il ne donne pas lieu à un objet. Par exemple, il y a cette bouteille qui a été fabriquée, et si je la lève, je ne la change pas, mais je change quelque chose dans le monde. C'est cela, l'action, la pratique. Eh bien, la philosophie est forcément pratique, parce qu'elle s'intéresse à l'action humaine. Et quand Emmanuel Kant a inventé le concept de philosophie pratique, c'était justement pour dire la philosophie s'intéresse à l'action humaine, mais c'est vrai que Kant, de son côté, opposait le pratique et le pragmatique. Pour lui, le pragmatique, c'est ce qui visait une utilité extérieure, immédiate, vitale. Ça ne veut pas dire qu'il le critiquait, mais c'était un secteur seulement de l'action. En réalité, l'action humaine relève aussi de ce que Kant appelait la liberté. Et la philosophie pratique, c'était la philosophie qui s'intéresse à nos actions du point de vue non pas de l'utilité vitale, mais de la liberté absolue, de la liberté universelle. C'est pourquoi il faut, selon lui, opposer la philosophie pratique et l'utilité pragmatique de la philosophie. La pratique nous renvoie à l'action relevant de principes universels, la liberté, l'égalité, la justice, et pas seulement l'utilité immédiate et concrète qu'on résume, et c'est peut-être injurieux aussi, sous le nom de pragmatisme, car on a raison aussi de revendiquer cette utilité, mais il faut l'ouvrir sur les autres côtés de l'action humaine, sur la liberté, sur les principes universels. Oui, la philosophie non seulement est pratique, mais c'est la philosophie qui nous explique ce en quoi consiste vraiment la pratique, en quoi il ne faut pas l'opposer à la théorie. Le même Kant, au tournant de la Révolution française, avait écrit un petit opuscule qui est resté célèbre en critiquant ce qu'il appelle justement l'expression célèbre. Cela est vrai en théorie, mais cela ne peut pas être vrai en pratique. Cette revendication de la pratique contre la théorie, contre la pensée, même les philosophies les plus profondes du besoin ou de l'utilité n'ont jamais opposé la théorie et l'utilité, la réflexion et la vie. Au contraire, mais pour Kant, il faut aller encore plus loin. La théorie, la réflexion qui nous mène jusqu'à notre liberté est l'accès à la véritable philosophie pratique. Et dans la vie courante, nous avons en effet parfois des conflits du pragmatique et du pratique. Faut-il prolonger la vie ou faut-il respecter la liberté en fin de vie, par exemple, pour un patient? Oui, la philosophie est pratique, elle est même essentiellement pratique. Elle nous mène vers les contradictions, vers les problèmes de notre pratique. Elle nous aide à les résoudre. Sans la philosophie, rien n'est pratique et la pratique disparaîtrait, au contraire, de notre vie. Merci Frédéric, votre chronique est à écouter sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment. Doesn't like it, only talk to him and you know it. Don't act like you don't know. Et on aime tellement cette chanson qu'on vous la remet. On l'aime tellement avec l'équipe des Chemins de la Philosophie que je remercie Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon de la Selle, Thaïs Eloi-Hammer, Antoine Ravon, Anaïs Sisbert, avec Laurence Malonda à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Dali Ya, qui se réjouit aussi, je crois, de Justin Timberlake. Merci à Hélène Nosseur à la lecture des textes. Vous pouvez écouter, réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur la douleur. Et demain, peut-on aimer avoir mal? Parcours de la douleur sans souffrance, ce sera avec David Le Breton. À demain.